chilienne qui jamais était à l'école. Au contraire, au jardin, j'ai attrapé des papillons. Dans la rue, j'ai chanté comme un pauvre oiseau perdu. Dans la nuit, les étoiles et elles du ciel m'ont répondu. Fais attention, mon petit. Comme il est que je suis à Paris, c'est un ange qui m'a ramené. Belle histoire de sorcier ou bien un rêve d'enfant. Oh Paris, bon ami de mon cœur. C'est mon frère qui m'a fait bien connaître la musique. C'est mon frère qui m'a dit, il faut travailler l'argent. Il m'a dit, les avions, ils vont droit jusqu'à Paris. N'aie pas peur des travaux, ils n'ont rien à faire ici. Fais attention, mon petit. Comme il est que je suis à Paris, c'est un ange qui m'a ramené. Belle histoire des sorciers, ou bien un rêve d'enfant. Oh Paris, bon ami de mon cœur.